misère universelle. Verso, nos conditions sont pas des meilleures, mais loin d'être les pires. Pourtant on a un plan de fois. S'il est du plomb dans les sourcils, entre le bien et le mal. Souvent on vacille, et trop souvent on s'en bat, car nos finances sont en péril. Le compte bancaire à vide, le portefeuille aride. Installé au goût acide, juste assez pour remplir nos bides. On a tellement les poches vides qu'elles en ont chopé des rides. Mais tout est relatif à celles dont on parle, celles pour lesquelles je suis combatif. Faut bien moins de mal que celles fictives qui servent à vivre. Pas de richesse monétaire, mais j'amasse l'humanitaire. Un vrai retour aux sources, bien loin de toutes leurs courses. Les vraies richesses cirent, c'est quand ton âme respire. Détachement matérialistique, insoumission étatique. Liberté cérébrale, loin du système carcéral. Des bidonvilles du Brésil, les petits sniffs de la colle. Aux ruelles de nos villes, où les jeunes disent de l'alcool. La misère est universelle, tout comme la bêtise humaine. On s'apitoie sur notre sort, pourtant y'a pire ailleurs. Regarde les anciens tirailleurs, qui attendent toujours leur heure. Des temps où les chiffres, les gens en expo, aux orphelins de nos cours. Enfants de Bolivie, ou enfants soldats là-bas ici. Pas d'appel au secours, pourtant l'horreur pour des corps. Une seule et même cause pour des milliers de problèmes. Il faut dire les choses, la misère a son emblème. Un gros pied vert avec une pyramide rectangulaire. Des euros, des dollars, des barils d'or noir. Moi je combats la bêtise par une portée de silence. Mieux vaut laisser un blanc que parler dans l'ignorance. Je m'emploie chaque jour, mais je suis encore à la bourre. Trop de paroles peu réfléchies, de réflexion non aboutie. Le silence est d'or quand la parole est d'argent. On aime causer à tort, j'aimerais être de ces rares gens qui ne parlent pas sans réflexion, à part pas dans l'élocution. Le silence est d'or quand la parole est d'argent. On aime causer à tort, j'aimerais être de ces rares gens qui ne parlent pas sans réflexion, à part pas dans l'élocution. Refrain, retire tes œillères, ce n'était pas mieux hier. Non. Encore peu de temps en arrière, et c'était la guerre. On veut une amélioration, on ne veut pas tes millions. Juste une vraie répartition, équitable du pognon. Rien à foutre d'être blindé, je veux que tout le monde puisse crailler. Pendant qu'on délaisse certaines zones des millions. Sur consomme quand 6% de la populace possède 60% des richesses. Quand 1 milliard de personnes souffrent de la faim, alors qu'on mange sans faim, personne ça n'étonne. Pendant 4 terriens sur 5 vit aisément, les 4 restants dans le manque vivent difficilement. C'est sûr qu'il est facile de cracher sur son voisin, nettement plus difficile de lui tendre la main. Des bébés souffrent d'obésité alors que d'autres meurent affamés. Des mères désespérées n'ont plus la force d'allaiter alors que d'autres ont refusé. Question de beauté, c'est dans mon devoir de rappeur que les gens prennent conscience afin qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la désobéissance. C'est dans mon devoir de rappeur que les gens prennent conscience afin qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la désobéissance. C'est dans mon devoir de rappeur que les gens prennent conscience afin qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la désobéissance.